بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى ست نوي دي 12 شعبان 1441 qui correspond au 4 avril 2020. Ah, c'est notre deuxième assise autour de ce sujet important qui est la nécessité et l'obligation de prendre le livre et la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Lors de la première assise, nous avons vu les mérites des salafs à travers les versets du Coran et de la sunna du messager alayhi salam, et à travers certaines paroles de nobles compagnons et certaines paroles d'hommes de science. Et aujourd'hui, nous allons voir certaines particularités de ces pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Les pieux prédécesseurs ont résumé les salafs ou les salafs salih ont certaines particularités qui les distinguent. Ils ont certaines particularités distinctives. On voit ces certains. La première particularité, salaf, c'est les meilleurs de la communauté. Hein, c'est les meilleurs de la communauté dont, hein, et ceci est prouvé par maintes hadiths. Notamment, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة. Et donc, salaf, c'est les meilleurs de la communauté. Et le hadith que j'ai cité une partie ici en arabe dit, le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, les meilleurs gens sont ceux de ma génération, a dit le messager alayhi salatu wassalam, et ceux qui les suivent jusqu'à la fin du hadith. Il est rapporté dans l'interprétation de l'Asfahaniya. L'Asfahaniya, c'est un volume écrit par un homme de science de l'égarement de la scolastique. Cheikh l'Islam, on a fait l'interprétation. Et dans ce livre, Cheikh l'Islam, il dit, tout véridique, réputé par sa science, et par sa religiosité, reconnaît que les meilleurs de cette communauté, ce sont les compagnons Ridwanullah alayhim. Fin de citation. La deuxième particularité des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et à leur tête les nobles compagnons d'Allah alayhim, c'est eux qui ont la plus grande et la meilleure qui est compréhensible. La meilleure compréhension. La meilleure des compréhensions. Et la plus grande des compréhensions du livre et de la sunna, c'est celle du salaf, radhiyallahu alayhim. Shafi'i, rahimahullah, a dit, وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ أَدَّوْا إِلَيْنَا سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَاهَدُوا الْوَحْيَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَعَلِمُوا مَا أَرَادَ وَعَرَفُوا سُنَّتَهُ وَهُمْ فَوْقَنَا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وآراؤهم أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ولم تخرج عن أقاويلهم فإن قال أحدهم ولم يخالف غيره أخذنا بقوله. Donc ce qui est rapporté dans l'âme le Mouqi'in Ibn al-Qayyim, il rapporte ces paroles du Shafi'i rahimahullah qui a dit, Allah a fait les éloges des compagnons ridwanullah alayhim. Allah a fait les éloges des compagnons du messager d'Allah dans le Coran, dans la Torah et dans l'évangile. Avant leur existence, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait leurs éloges dans, hein, la Torah et dans l'évangile. Ils nous ont transmis les sunnahs du messager alayhi salatu wassalam et ils ont assisté à la révélation faite au prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont su ce qu'il voulut avec les paroles du messager alayhi salatu wassalam. Ils ont connu sa voix. Ils sont au-dessus de nous, dans toutes les sciences et dans tout, et dans tous les efforts. Ils sont au-dessus de nous dans toutes les sciences et dans tous les efforts d'interprétation. Ils sont au-dessus de nous au niveau du wara, c'est-à-dire, le wara, c'est une noble position qui est le fait de délaisser ce qui est autorisé pour ne pas tomber de ce qui ne l'est pas. Ils sont au-dessus de nous au niveau de la raison et au niveau des opinions. Et leurs opinions par rapport aux nôtres sont prioritaires et louables pour nous. Il vaut mieux pour nous leurs opinions que les nôtres. La sunna est dans leurs paroles. Et si l'un des compagnons dit quelque chose et que personne parmi les compagnons lui ont divergence avec, on prend sa parole. Fin de citation de Shafi'i rahimahullah dans Alam al-Muqi'in. Et voici une particularité que personne n'a eue à part eux, ridwanullah alayhim. Dans ce qui est rapporté par Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit rahimahullah, il dit rahmatullah alayh, إن أهل السنة والحديث المشتغلين بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم بطانته من أصحابه هم أهل الناس هم أعلم الناس بهذا المولود فتكون أحوالهم في الديانة علما وفهما وعملا واعتقادا لها ثقلها واعتبارها في فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الأخذ بالفتاوى الصحابية والآثار السلفية أولى من آثار المتأخرين وفتاويهم إعلام الموقعين ضرب القيمة دون إعلام الموقعين les gens de la sunna et tous ceux qui se sont occupés du hadith et de la science du messager عليه الصلاة والسلام et de la science de ses intimes parmi ses compagnons connaissent mieux cet héritage. Leur position a un poids dans la religiosité, dans la science, dans la compréhension, dans les œuvres et dans les croyances. Il faut la prendre en considération dans la compréhension de ce que veut le messager alayhi salatu wasalam. C'est pour ça qu'il est prioritaire de prendre les fatawas et les preuves salafis des compagnons avant celle de ceux qui sont venus après eux. C'est pour ça qu'il est prioritaire de mettre toujours les nobles compagnons en priorité, d'après leurs successeurs et les successeurs de leurs successeurs. Mais en priorité, ce sont les paroles, les positions et verdicts des nobles compagnons d'Allah alayhim. Et c'est une particularité énorme et noble que l'on reconnaisse qui les hommes de hadith et les hommes de la science, car ne connaît le bien que les gens du bien. Qu'on déplaise à Rawafid. Il y a tous ceux qui détestent les compagnons d'Allah alayhim. Salaf connaissent mieux le noble Coran que qui que ce soit. Car il est descendu avec leur langue. Et ils étaient les plus éloquents dans la langue arabe. C'est pour ça qu'ils n'ont rien innové dans la religion d'Allah. Ils avaient la maîtrise de la langue arabe. Et ils étaient excellents et éloquents dans la langue arabe. C'est pour ça que les hommes de science disent qu'ils n'ont pas innové dans la religion d'Allah. سيوطي رحمه الله دي دوصول المنطق وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه أن سبب الابتداع هو الجهل بلسان العرب سيوطي دوصول المنطق دي j'ai trouvé que السلف avant الشافعي on dit que l'ignorance de la langue arabe que l'ignorance de la langue des arabes c'est la cause de l'innovation dans la religion Fin de citation. Shafi'i disait cette parole, mais il y avait des pieux prédécesseurs avant lui qui la disaient, que l'une des causes de l'innovation dans la religion d'Allah, c'est l'ignorance de la langue des Arabes. Et quand est-ce que, et ceci est vrai, quand est-ce que les innovations se sont propagées? Quand il y a eu la conquête islamique et que les musulmans ont conquis beaucoup de contrées donc, qui ne sont pas arabophones. Et donc de là, il y a eu des choses qui sont émissées, des innovations qui ont été faites par des gens qui ne maîtrisaient pas la langue des Arabes. Qui ne maîtrisaient pas la langue des Arabes, qui est la langue du Coran, qui est la langue de la Sunna, qui est la langue des compagnons, radhiyallahu anhum, et de ceux que, de tabi'in et de leurs successeurs. Salaf Ridwanullah alayhim connaissait mieux l'explication du Coran, car c'est eux qui connaissent mieux sa langue, connaissent mieux la langue avec laquelle est descendu le Coran. Ils avaient un désir ardent pour la connaissance de la signification du Coran. Ils avaient un désir ardent pour la mémorisation du Coran. Ils avaient un désir ardent pour sa mise en application. C'est pour ça que la meilleure des interprétations du Coran après l'explication du Coran par le Coran et l'explication du Coran par la Sunna vient en troisième position, l'explication du Coran par les paroles des nobles compagnons d'Allah alayhim. Et puis vient après celle des tabi'in, de leurs successeurs. Pourquoi celle des tabi'in vient en quatrième position? Parce que tabi'in, ils ont pris le Coran chez les nobles compagnons d'Allah alayhim. C'est pour ça que certains de nos plus prédécesseurs d'Allah alayhim et certains de science disent que quand une interprétation du Coran t'arrive de Mujahid, ne cherche pas. Pourquoi? Parce que Mujahid a pris l'interprétation du Coran chez Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui a fait du'a que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'interprétation du Coran. Il n'y a aucun doute que Allah subhanahu wa ta'ala exerçait le du'a de son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam concernant Habr al-Umma qui est Abdullah ibn Abbas. Et Mujahid disait qu'il a arrêté Abdullah ibn Abbas sur chaque verset en lui posant la question où il est descendu ce verset, pourquoi il est descendu et ainsi de suite. الحاكم رحمه الله أدي دون مستدرك يعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث المسند. Regardez maintenant la valeur des paroles et de l'explication du noble compagnon. Quel poids il a sur les hommes de science et les hommes du hadith. الحاكم دون مستدرك أدي que le demandeur de science sache que l'interprétation du Coran du compagnon du messager alayhi salatu wassalam qui a assisté à la révélation est un hadith dont la chaîne est ininterrompue chez l'imam Bukhari ou chez l'imam Muslim. Ça veut dire que l'imam Bukhari ou l'imam Muslim considère l'interprétation du Coran d'un sahabi étant quelque chose qui est lié au messager alayhi salatu wassalam par une chaîne, que c'est un maillon de la chaîne qui lie directement au messager alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucune interruption dans la chaîne. Et que la parole du compagnon nous amène directement au messager alayhi salatu wassalam. Et ça, ce sont les pieux prédécesseurs qui ont connu et qui connaissent la valeur des nobles compagnons et de leurs successeurs, radhiyallahu anhum. ابن عبد البر رحمه الله دو جامع بيان العلم وفضله غابورت عبد الله بن عباس كنت الى ايتي ديباتخ بك الخوارج اللي غادي جئتكم من عندي اصحاب رسول الله وليس فيكم منهم احد وعليهم نزل القران وهم اعلم بتاويله هو قاعد السوسي هو قاعد عبد الله بن عباس كنت الى parti débattre avec le Khawarij. Après avoir eu l'autorisation de son gouverneur qui est Ali ibn Abi Talib, le Khalif des croyants. Quand il est arrivé à la place des Khawarij, là où ils étaient, dans leur campement, il leur a dit, je viens, écoutez celle-là, je viens de chez les compagnons du messager alayhi salatu wassalam. et je vois qu'il n'y a aucun parmi eux, aucun compagnon parmi vous. Et c'est sur les compagnons que le Coran est descendu. Et c'est les compagnons qui connaissent mieux son interprétation. Fin de citation. Regardez sur quoi il a attiré leur attention, Abdullah ibn Abbas. Il leur a dit, je viens là-bas d'où je suis venu, chez les compagnons, avec le calife Ali radiallahu anhu arda. Il est au milieu de vous, je vois qu'il n'y a aucun compagnon. Et il leur a dit, le Coran est descendu sur ses compagnons. Ils ont assisté à sa révélation. Ils connaissent son interprétation parce qu'ils l'ont pris du messager alayhi salam. Il est en train de leur donner une onde de choc. Réveillez-vous. Vous avez pris l'indépendance dans ce que vous faites. Vous avez pris l'indépendance dans les interprétations que vous donnez à la parole d'Allah. Et qu'il n'y a aucun doute que tout un chacun qui vient dire n'importe quoi sur la religion d'Allah, sans se baser sur la compréhension du pur prédicateur d'Allah, il amène vers l'égarement. Regardez, je ne sais pas c'est qui cet égaré égareur qui a commencé à délirer avec Sourate Al-Mudathir en disant que dans Sourate Al-Mudathir, il citait le coronavirus 19, etc., l'année où il va arriver, etc. A'oudou billah. Il y avait un autre éclaté avant lui, pendant les événements du 11 septembre, qui a dit la même chose sur un certain nombre de versets. Et ça, ce sont des gens qui ne craignent pas Allah et qui mettent leur raison là où il ne faut pas. Et donc la parole d'Abdullah ibn Abbas est une parole importante. Certain nombre de sciences ont dit, comme Cheikh Mohamed Amal Jami, rahimahullah, et d'autres, ils ont dit qu'Abdullah ibn Abbas leur a fait comprendre que les positions qu'ils ont prises et que la compréhension qu'ils ont eue des textes n'est pas celle des compagnons du messager, alayhi salam. Il leur a fait montrer et fait comprendre que vous avez pris l'indépendance, vous êtes sortis de la chaîne qui est liée au messager, alayhi salam. Vous vous êtes coupé de cette chaîne qui lit directement au messager alayhi salam. Voyons maintenant les paroles des savants et des imams de la science de la communauté concernant Salaf Saleh radhiyallahu anhum. La première des paroles, ils disent, il fait partie des emblèmes des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, de montrer la noble et la grande place des compagnons et des salafs. Et cela est cité dans les livres de l'Aqida, tellement que c'est important, que est apparu des gens qui ont dit n'importe quoi sur les compagnons, comme le Khawarij, comme le Rawafid, comme le Nawasib. Alors les hommes de science, dans le livre de l'Aqida, ils ont réservé un chapitre spécial sur les positions juste vis-à-vis des nobles compagnons et sur leur mérite. Ridwanullah alayhim. Méditez cette parole que vous connaissez, que vous avez entendue souvent. Méditez-la chez l'imam Ahmed rahimahullah. Imam Ahmed rahimahullah, l'imam des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, dit « Usul sunnati indana, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wa liqtida'u bihim, wa tarkul bida'a. » Ce grand imam, l'imam de la sunna par excellence, le deuxième véridique de la communauté, il dit « Les fondements de la sunna pour nous, c'est-à-dire pour nous les gens qui sont attachés à la sunna, c'est de se cramponner à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager alayhi salam et de les suivre et délaisser les innovations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre ses imams de sa sainte miséricorde. Ibn Saoud dans ce qui est rapporté par Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayh, dans Jami' Bayan al-Ilm, من كان قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي على الهدى المستقيم. إذا دونس كي رابورتي با ابن عبد البر رحمه الله ها لا parole de Abdullah ibn Mas'ud qui dit celui qui cherche un modèle à suivre qu'il suit les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ses compagnons avaient les cœurs qui portaient le plus de bien et de piété dans la communauté. Et ils étaient les plus enracinés dans la science. Ils ne s'imposaient rien. Et ils avaient la meilleure position. Ils avaient les meilleures positions. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour l'accompagner de son prophète et pour accomplir sa religion. Reconnaissez-leur leur place et leur mérite et suivez leurs traces car ils étaient sur la voie droite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde. Fin de citation. Sans ces nobles compagnons qui ont transmis, hein, s'il n'y a pas la grâce d'Allah, puis ces compagnons qui ont transmis cette religion, où serions où, nous, les gens d'Afrique du Nord, par exemple? Il y avait toutes les adorations qu'il y avait, les adorations du feu, il y avait les adorations des pierres, les adorations des gènes, les adorations des grottes, des sources, des arbres. Tout était. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés avec ces futuhats de ces nobles compagnons qui ont, par le biais desquels Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les cœurs et a orienté les gens vers la soumission à lui, vers le monothéisme. Qu'on reconnaisse le bien à nos nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Et que Allah subhanahu wa ta'ala anéantisse tous ceux qui parlent mal sur eux. Ou ceux qui déforment l'histoire. Et qui disent que ce sont des colonisateurs, ils sont venus en Afrique, ils nous ont enlevé notre culture, etc. Abadana khal islam. Ils nous ont sortis des ténèbres de l'ignorance et de l'anarchie et du paganisme et du polythéisme pour nous orienter vers la lumière. De la sunna, vers la lumière du monothéisme, vers la lumière de la clairvoyance, vers le chemin qui mène vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Dans ce qui est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, et à l'origine, cela est rapporté chez l'imam Bukhari, Hudayfa ibn al-Yaman a dit, ittaqu Allah ya ma'shar al-qurra, khudu tariq man kana qablakum. والله لئن استقمتم عليه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Et dans ce que a dit Ibn al-Yaman, Hudayfa, l'homme du secret du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, en s'adressant aux savants, aux qurra, les savants, qurra, dans le langage des anciens, c'est les savants. Préservez les droits d'Allah, ô savants. Prenez la voie de ceux qui vous ont précédé. Par Allah, si vous prenez la droiture dans cette voie, vous êtes devancé de beaucoup, et si vous la délaissez en prenant à droite ou à gauche, vous vous êtes égaré un grand égarement. Fin de citation. Et là, on est de même pour nous. Si on veut être dans la droiture, il faut prendre ce chemin de ses nobles compagnons, de ceux qui les ont suivis à la perfection. Si on prend à droite ou à gauche de ce chemin, on va s'égarer, on va à notre perte, on va vers la colère d'Allah. Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, dans ce qui est rapporté par l'Ajurri, dans le Sharia, et par Ibn Abd al-Barr dans le Jami', Il parle de l'alaka'i dans Usul Sunna, dans Sharh Usul Sunna. Il a dit, rahimahullah, Sanna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ullatul amri min ba'di sunanan, al-akhdu biha tsdiqun li kitabillah, laysa li ahadin taghyiraha wa la tabdilaha. فمن اقتدى بما سنوه اهتدى ومن استبصر بصر ومن خالف واتبع سبيل غير سبيل واتبع ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولاه واصلاه جهنم وساءت مصيرا. C'est extraordinaire les paroles de nos pieux prédécesseurs. Allah même, tu sens que l'origine c'est le Coran. Écoute cette noble parole de Omar ibn Abdel Aziz. Hein? Il a dit, le messager d'Allah a instauré des sunan, ainsi que les khalifs après lui. Mettre en application ces sunan, c'est certifier la véracité du livre. Personne n'a le droit de les modifier ou de le changer. Celui qui les suit, il est guidé. Et celui qui cherche la clairvoyance dans ces sunan, il l'aura. Et celui qui divergera et suit un autre chemin que le chemin des croyants, Allah le laissera avec ceux avec qui il a cherché alliance et sa demeure sera l'enfer et qu'il mauvaise demeure. Fin de citation. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, كان مالك رحمه الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائما. Et dans ce que rapporte Ibn al-Qayyim rahimahullah dans l'Alam al-Muwaqqi'in, il dit l'imam Malik ainsi que d'autres grands imams de la science approuvent cette parole de Omar ibn Abdel Aziz. Il la cite souvent. Pourquoi il l'approuve? Pourquoi il la cite souvent? Parce que c'est un conseil qui t'oriente vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Qui t'oriente vers le fait d'aller te cramponner à la voie droite, à la voie que tu demandes dans chacune de tes prières. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ce que tu as comblé de tes bienfaits. L'Auza'i rahimahullah a dit, Isbir nafsaka ala sunnah. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. أصول الاعتقاد الأوزاعي كما رابورتي بار لالكائي دون أصول الاعتقاد a dit patiente et endure sur la sunna et arrête-toi où les gens se sont arrêtés, c'est-à-dire là où les salafs se sont arrêtés, arrête-toi là. Ne le dépasse pas. Ils disent ce qu'ils ont dit. Et abstiens-toi des choses desquelles ils se sont abstenus. Et prends la voie de tes pieux prédécesseurs. Car la voie qui leur a été large, qui a été large pour eux, ben elle est aussi large pour toi. Et c'est ce que vous avez innové. Était un bien, les salafs l'auraient eu avant vous. Comme il a dit Ibn Kathir, « لو كان خيرا لسبقونا إليه » C'est-à-dire, si c'était un bien, l'innovation sur laquelle vous êtes, ben les pieux seraient les premiers à les faire. Mais comme ce n'est pas un bien, ils ne l'ont pas fait. Ibn Hazm, rahimahullah, a dit, comme il est rapporté par Ibn Hajar, dans l'Isaba, الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا واستدل بقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. ابن حزم a dit dans ce qui est rapporté dans l'Isaba d'Ibn Hajar, tous les compagnons sans aucun doute sont au paradis. Et il a cité comme preuve le verset dans la traduction approximative du sens du verset, il a dit, où il est dit, Allah leur a promis tous l'husna. L'husna ici chez les hommes de science, c'est le paradis. Allah leur a promis tous le paradis. Et dans certaines interprétations dans ce genre, dans de sciences, les hauts degrés dans le paradis. Abu Zur al-Razi, rahimahullah, a dit, comme il est rapporté dans l'Isaba d'Ibn Hajar, إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. الرازي أبو زرع الرازي يدي si tu vois un homme dénigrer quelqu'un parmi les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, sache que c'est un zindiq. Un zindiq qui veut dire tout simplement un hypocrite. Voyons, barakallahu fikum, maintenant, les bienfaits du fait de se limiter à la compréhension des salafs concernant le livre et la sunna. Comme les ont cités les hommes de science. Le premier bienfait, le fait de se cramponner au livre et la sunna et au consensus des salafs, est épargné de la division et de la divergence et de la contradiction à des raisons et des passions. C'est-à-dire le fait de se cramponner à leur compréhension et à leur consensus, à leur compréhension du livre et de la sunna, et à leur consensus, ceci te permet de ne pas tomber dans la divergence, ni dans la contradiction des raisons, ni dans les passions, ni dans la divergence avec le livre et la sunna. Ça te préserve de tout ça. Ça te préserve de la division, de la divergence, du fait de suivre ta raison, du fait de suivre tes passions. C'est une citadelle de protection contre tout ça. Le deuxième bienfait, le fait de prendre en considération les actes des salafs et leur compréhension des preuves, prouve la bonne utilisation des preuves et certifie la véracité de cette façon de faire. Car la mise en application des preuves par salaf lui parle les confusions et les suppositions. C'est-à-dire le fait que on mette en application, qu'on prenne en considération les actes du salaf et leur compréhension et leur verdict, cela prouve la véracité de l'utilisation des preuves. Car leurs actes, leurs verdicts, leurs paroles permettent de te sortir des confusions et de ne pas et que tu ne tombes pas dans les ambiguïtés, ni dans les confusions, ni dans les suppositions. Chatibi a dit dans le Mouafaqat, يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. وقال الشاطبي ذو الموافقات دي il est du devoir de tout un chacun qui se penche sur les preuves, les preuves de la législation, de prendre en considération ce que les premiers ont compris de la preuve et comment ils l'ont mise en application. Car il ne peut être que juste et mieux au niveau scientifique et au niveau de l'œuvre. C'est-à-dire, la compréhension des preuves par salaf et la façon dont ils l'ont mis en application, ça ne peut être que, c'est ça le juste, c'est ça le mieux, que ce soit au niveau scientifique, au niveau de la théorie, ou que ce soit au niveau de la pratique, au niveau de l'œuvre, de la mise en application. Le troisième bienfait, ça permet aussi de ne pas tomber dans le faux au niveau de la parole et au niveau des actes. Car toute chose sur laquelle Sahaba se sont tus et sur laquelle les khalafs ont parlé, le fait de se taire sur les sujets sur lesquels ils se sont tus, c'est ce qu'il faut et c'est le mieux. Les khalafs, en parlant sur des sujets sur lesquels les compagnons n'ont pas parlé, les salafs n'ont pas parlé, n'ont ramené que des catastrophes, ils n'ont ramené que des innovations et des ambiguïtés. Les khalafs, c'est tous ceux qui ont divergé avec la voix des compagnons et des salafs. C'est ça le khalaf. Tout un chacun qui n'est pas sur la voie des compagnons et du salaf, c'est un khalaf. C'est le contraire du salaf. Les compagnons, le khalaf, ils ont osé aller parler et aller disserter sur des sujets sur lesquels les compagnons se sont arrêtés. Et bien sûr, comme on dit les éminences de la science, il n'aura amené que des ambiguïtés. Ils sont rentrés dans un océan dans lequel ils peuvent pas nager et ils ont pataugé. Le quatrième bénéfice, parmi les bienfaits du fait de suivre Salaf Ridwanullah Alayhim, c'est de cerner et de limiter les innovations et les égarements. C'est-à-dire, quand tu es dans la voie d'Al-Salaf, quand les gens sont dans la voie d'Al-Salaf, ça limite et ça serre les innovations et ça les réduit. Parce que c'est la voie de la Sunna. Car les groupes de l'innovation et de l'égarement modifient l'essence des textes pour faire triompher leurs tendances et leurs voies et leurs innovations. Et la compréhension du salaf, c'est le principe qui permet de distinguer le vrai du faux et c'est la vérité en dehors de laquelle il n'y a que l'égarement. C'est pour ça qu'un khalafi, qu'un ikhwan ou un tablighi, quand tu le prends et tu discutes avec et qu'il commence à disserter, oui, pour moi, si le livre est la sunna, après quand tu le ramènes, tu dis, mais avec quelle compréhension? Là, il commence à faire l'anguille. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas le mettre dans un coin où il ne pourra pas bouger à droite et à gauche. Et dans une position où tout le faux de sa tendance va être dévoilé. Parce que tout le faux de sa tendance ne correspond pas à la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah Alayhim, les compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection. C'est pour ça que par tous les moyens, ils esquivent. Et donc, la compréhension du salaf, c'est le principe qui permet de distinguer le vrai du faux, et si la vérité en dehors de laquelle il n'y a que l'égarement. En dehors de leur compréhension, ce n'est que la division et l'égarement et la divergence avec le livre et la sunna. Écoute ce que dit le verset. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. La traduction approximative du sens du verset, s'ils croient en ce que vous croyez, ils sont guidés, et s'ils sont détournés, ils seront dans le schisme. Donc s'ils prennent, ils ont la même croyance que les nobles compagnons, ils sont guidés. Sinon, ils sont dans l'hérésie, dans la division, il tombe dans le schisme. Le cinquième bénéfique qui découle du fait de suivre Salaf et leur compréhension, cette compréhension du pieux prédécesseur d'Allah Alayhim est une réplique aux divergents. Leur compréhension est une réplique à tout divergent avec le livre et avec la sunna et avec la voie sur laquelle était le messager alayhi salam. Regardez la parole d'Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il a dit à ses khawarij? Jitukum min indi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa laysa fikum ahadun minhum wa alayhim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu bi tawilihi. Regardez cette noble parole d'Abdullah ibn Abbas. Il leur dit, vous comprenez que la compréhension du salaf est une réplique à toutes les tendances. C'est pour ça que les tendances, ils fuient de cette condition. La compréhension du peuple d'Israël dans l'âme. Quand Abdallah ibn Abbas est allé voir le Khawarij pour débattre avec eux, il leur a dit, je suis venu de chez les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, et aucun compagnon n'est avec vous. Et c'est sur les compagnons que le Coran est descendu, et c'est eux qui connaissent mieux son interprétation. De cette parole, les hommes de science ont tiré beaucoup de leçons. Écoute ce qu'ils ont tiré comme leçon de cette parole d'Abdallah ibn Abbas. Première leçon. Que les compagnons ne sont pas, aucun compagnon n'est tombé dans une innovation. Alors que les fondements des tendances et des innovations ont apparu à leur époque, mais aucun compagnon n'est tombé dans l'innovation. Ridwanullahi alayhim. La deuxième leçon, que toute tendance et tout groupe dans lequel il n'y a pas de compagnons, ils sont dans l'égarement. Et que ce groupe et cette tendance se sont réunis sur l'égarement. À notre époque, comment on explique ça? Tous les gens qui ne sont pas réunis autour du livre et de la sunna et de la compréhension et sur la voie des pieux prédisseurs d'Allah alayhim, alors peut-être les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, ben ils sont dans l'égarement. Et ils ont divisé la communauté. Ils ont pris un autre chemin que le chemin des croyants. Ils ont pris un chemin qui n'amène pas vers la satisfaction d'Allah. La troisième leçon que les pieux prédécesseurs, que les hommes de science et les pieux prédécesseurs ont tiré de cette parole d'Abdallah ibn Abbas, le fait de prendre la voie des compagnons, c'est la base pour être sauvé et avoir le succès. Tu cherches quoi? La satisfaction d'Allah? Tu cherches le succès, le paradis, ben tu es obligé de passer par la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim. Si tu ne prends pas leur voie, tu n'y arriveras pas. Pas de succès, pas, tu ne seras pas sauvé non plus. Parce que c'est la seule voie, comme il est décrété dans le verset, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée. Le verset, combien de fois on l'entend? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers parmi les muhajirun qui ont quitté la Mecque pour sauver leur religion, ils sont allés vers Médine et les auxiliaires qui les ont accueillis, hein, et qui leur ont donné asile à Médine. Ces deux catégories ont réuni les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Il est évident que tous ceux qui sont venus après eux ne font pas partie d'eux. Il reste la troisième catégorie qui suit dans le verset, et ceux qui les suivent à la perfection. Allah est satisfait d'eux et eux seront satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Donc nous n'avons pas le choix. C'est une obligation. Il n'y a pas le choix. Hein? Il ne faut pas se tromper de chemin. La quatrième leçon qu'ont déduit les hommes de science de cette parole d'Abdallah ibn Abbas, devant tout le monde, on doit utiliser la voie sur laquelle, comme argument, comme preuve, la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons et non pas le contraire. C'est-à-dire, quand on veut argumenter devant quelqu'un, on argumente avec la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Hein? Et non pas le contraire. C'est pas les tendances qui vont s'oppositionner comme preuve face à la voix des nobles compagnons. Non, on va, la voix des compagnons, c'est elle le baromètre qui va nous permettre de voir est-ce que cette tendance est bonne ou pas. Est-ce que les paroles de cet homme et ses positions sont bonnes ou pas. Et non pas le contraire. La cinquième leçon à retenir de la parole d'Abdallah ibn Mas'ud, comme l'ont dit les hommes de science, les compagnons connaissent mieux que quiconque l'explication et le sens du Coran et de la Sunna. Hein? C'est eux qui la connaissent au mieux. Ils ont vu le prophète alayhi salatu wasalam les mettre en application, mettre le Coran et la Sunna en application. Ils étaient des témoins oculaires de la révélation, de sa mise en application. écoutez cette noble parole. Daraqutni rahimahullah, dans son livre Sifat, il rapporte. Avec sa chaîne de transmission qui remonte à Abbad ibn al-Awam. Abbad ibn al-Awam, rahimahullah, قال عباد بن العوام قدم علينا شريك فقلنا له إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وإن أهل الجنة يرون ربهم. فقال شريك القاضي الكوفي رحمه الله أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله فهم عمن أخذوه. Regardez comment on argumente avec la voix des petits prédécesseurs d'Allah Alim. Dans ce qui est rapporté par Daraqutni, avec une chaîne de transmission qui remonte à Abbad ibn al-Awwam, Abbad ibn al-Awwam a dit que Sharik, le Qadi, le Kufi, est venu les voir. Dit, Abbad a dit, Sharik est venu nous voir et nous lui avons dit, il y a des gens parmi le Mu'tazila, qui est un groupe, hein, l'école de la raison, qui rejette ces hadiths, qui rejette les hadiths des attributs d'Allah, comme le hadith, Allah descend au ciel de ce bas monde, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit. Et aussi le hadith, il rejette aussi le hadith, les gens du paradis verront leur Seigneur, il rejette ce hadith aussi. Sharik, rahimahullah, a dit, regardez comment il a remonté avec la voix du plus près du sort d'Allah. Il a dit, nous, nous avons pris notre religion des enfants, des successeurs des nobles compagnons. Hein, nous avons pris, hein, notre religion des enfants des tabi'in qui l'ont prise des compagnons du messager alayhi salam. De qui eux, ils ont pris leur religion? Regardez comment il a argumenté. Dis-nous, notre chaîne nous remonte à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons appris avec les enfants des tabi'in. Les tabi'in ont appris chez les compagnons. Les compagnons ont appris chez le prophète alayhi wa sallam. Mais vous, vous avez appris chez qui? Votre religion, vous l'avez eu comment? Et par qui? C'est quoi votre chaîne de transmission? Regardez comment il a répliqué avec la voix et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, dit, dans le débat qu'il a eu avec les gens, les innovateurs concernant l'aqid al-wasitiya, parce qu'ils ont excité le gouverneur contre lui, etc., à cause de cette aqida, à cause de son livre, l'aqid al-wasitiya, dans laquelle il n'y a que la vérité. Tout ce qui est dans l'aqid al-wasitiya est conforme au livre et à la sunna, et aux croyances qu'avaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Il a dit, dans sa munadara avec eux, وَقُلْتُ مَرَّاتٍ قَدْ أَهْمَلْتُ كُلَّ مَنْ خَالَفَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهَا ثَلَاثْ سِنِينَ فَإِنْ جَاءَ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْتُهُ فَأَنَا أَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ. ثم قال ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه dit dans le Jumu'ah, et ça te prouve la force de la voix des plus prédécesseurs d'Allah alayhim et la force de leur compréhension avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés. Il a dit dans le débat qu'il a eu avec des innovateurs concernant l'aqid al-wasitiya, il a dit, j'ai dit, je leur ai dit à plusieurs reprises, à tous ceux qui sont en divergence avec ce qui est contenu dans l'Ouassitiya, dans l'Aqid al-Ouassitiya, je vous donne 3 ans pour me ramener une lettre ou une phrase des meilleures générations qui soit en divergence avec ce que j'ai cité dans l'Ouassitiya, je reviens dessus. Il leur a dit, je vous donne 3 ans, je vous laisse 3 années, pour chercher dans les livres des anciens et dans les paroles des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, de chercher c'est dans l'Ouassitiya, il y a une lettre en erreur, ou là une phrase erreur, ou là une position, une parole qui est une erreur, je reviens dessus. Et il a dit aussi, ils n'ont pas ramené quoi que ce soit malgré leurs recherches dans les livres du pays. Il dit malgré tout ça, ils sont allés chercher, mais ils n'ont rien trouvé. Hein? Il a dit, ils n'ont pas trouvé de contradiction de, hein, dans l'aqid al-wasitiyya chez quelqu'un parmi les imams de l'islam et leurs salaf. Ils n'ont rien trouvé. Dans l'aqid al-wasitiyya est quelque chose de pur, hein, d'authentique. Une aqid al-sunna ou al-jama'a, l'aqid sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Cela nous prouve quoi? Cela prouve la force de cette voix qui vient du pieux prédécesseur d'Allah alayhi. Parce que c'est une voix qui est liée à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est une voix dont les maillons de la chaîne sont attachés l'un à l'autre jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à Jibril, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il mène directement. Il n'y a pas un maillon qui a pris l'indépendance. Abadan. Ce n'est que قال الله, قال الرسول, قال الصحابة. Allah a dit, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les nobles compagnons ont dit. Donc frère, Allah azza wa jal, on déduit de tout ça que la tête des pieux prédécesseurs, la tête du salaf salih, c'est tous les nobles compagnons radhwanullah alayhim. Hein? Et après vient après eux les tabi'in, leurs successeurs, et tabi'in, les successeurs de leurs successeurs, hein? Et après tous ceux qui les suivent à la perfection sur cette voie. Donc il est obligatoire de suivre et de comprendre la religion selon la voie de ses nobles compagnons, car ce sont eux les meilleurs de cette communauté. Et c'est eux qui ont la plus grande des sciences du Coran et de la Sunna et de la langue arabe. Et le terme salaf duquel il ne faut pas avoir peur de ce terme. Hein? C'est pas parce que l'Occident et les médias occidentaux, le salafisme, ils mélangent tout exprès pour faire peur aux gens, qu'il faut avoir peur de ce salaf, de ce terme salaf. Salaf, c'est un terme noble. Et la salafia, c'est celle qui mènera la communauté à ses honneurs et à sa suprématie. Être dans la voie de salaf, c'est celle qui va nous prévaloir l'agrément d'Allah, car la religion sur laquelle était salaf, c'est la religion pure et la religion que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et le terme salaf, on désigne avec tout un chacun qui a préservé la aqida et la voie, hein, et qui s'est cramponné à la voie sur laquelle était le prophète alayhi salam, son, hein, le prophète alayhi salam et ses compagnons avant la division et avant les divergences de la communauté. Et tabi'in était sur cette voie-là. Tabi'in aussi les ont suivis. Donc nous devons être de même. Et nous avons, hein, nos modèles dans notre monde. Hein, combien d'hommes de science qui sont des emblèmes de cette voie? Cheikh al-Fawzan, Cheikh al-Abbad, Cheikh al-Luhaydan, hein? L'imam Cheikh Rabir, l'imam de la réfutation des loges, l'imam de la Sunna, le lion de la Sunna, hein, Cheikh Obeid, Cheikh Abdullah al-Bukhari et d'autres, parmi les hommes de science qui sont des emblèmes de cette voie. Quant à la salafia al-islam, c'est la filiation au salaf. Et c'est une affiliation qui est louable et qui est noble. Et c'est la voie sûre. Et ce n'est pas une voie ou une école de jurisprudence nouvelle. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans le Mjmou' وَلَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. شيخ الإسلام دون son recueil de fatwa a dit: ce n'est point un défaut de faire apparaître la voie du salaf. Au contraire, celui qui s'allie au salaf et qu'il prend et qu'il prend et qu'il les prend comme preuve, l'unanimité stipule qu'on accepte cela de lui, car la voie du salaf, ce n'est que la vérité. Fin de citation des paroles de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh. Partons de là. Il est clair pour nous qu'il nous est obligatoire et qu'il est obligatoire à tout musulman qui veut la satisfaction d'Allah Azza wa Jal de s'affilier à Salaf Saleh, Sahaba et leurs successeurs et ceux qui les ont suivis à la perfection, et de comprendre le livre et la sunna selon leur compréhension. Et on ne doit pas diverger avec eux ni dans les croyances, ni dans le comportement, ni dans l'adoration, ni dans la compréhension de la religion. Et c'est la voie de notre salut. Hein? C'était un rappel sur le pourquoi de l'obligation de la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifati al-ula, an yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Salu subhanahu wa ta'ala an yakuna ma naqul hujjatan lana la hujjatan alayna. Salu subhanahu wa ta'ala an yadfa'a lil muslimina hadha al-waba' wa أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء وأن يسلطه على الروافض وأعداء هذا الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.